hausse des taxes sur le carburant. Le président de la République a également admis ne pas avoir réussi à réconcilier les Français et les politiques. Il a ajouté que le pouvoir ne leur avait sans doute pas apporté assez de considération. Emmanuel Macron a promis d'aller davantage se confronter au terrain. Une marche de la colère très tendue à Marseille. Environ 8000 personnes ont défilé contre le mal logement 10 jours après l'effondrement de 3 immeubles vétustes rue d'Aubagne. Jean-Luc Mélenchon était dans le cortège. À l'issue du rassemblement, des heurts ont opposé manifestants et forces de l'ordre. Jets de projectiles d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre. 5 militants ont été arrêtés. Une décision judiciaire inédite. La cour d'appel de Montpellier a accordé hier le statut de parent biologique à une femme transgenre. Avec cet arrêt, elle permet d'inscrire à l'état civil la filiation des deux parents, dont l'un a la particularité d'être devenue une femme tout en étant le père biologique. Ça passe pour Theresa May. La première ministre britannique a fini par obtenir hier soir l'aval de son gouvernement concernant le projet d'accord sur le Brexit conclu la veille avec Bruxelles. C'est désormais au tour du Parlement de se prononcer. Le divorce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne lui est prévu pour mars prochain. Israël dans la tourmente. Hier, le ministre de la Défense a démissionné dénonçant le cessez-le-feu entre l'armée et le Hamas. Il reproche au Premier ministre Benjamin Netanyahou de capituler face au terrorisme et appelle à des élections législatives anticipées. Oh là, dis donc, c'était déjà le chouchou des Français. Et la cote de popularité de N'Golo Kanté devrait encore grimper. Selon le site d'information Mediapart, le champion du monde a refusé de frauder le fisc. Après son transfert à Chelsea, il aurait renoncé à contourner l'impôt via un montage offshore, le versement d'une partie de ses revenus dans le paradis fiscal de Jersey. En tennis, enfin, il est le mignon, premier. Hein. Oui, on l'adore. Ouais. Il est le premier qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres. Novak Djokovic l'a emporté en 2-7 face à l'Allemand Alexander Zverev. La météo, au lever du jour, il y aura encore beaucoup de bandes brouillard, essentiellement dans le sud-ouest, le long de la vallée de la Garonne. De la Bretagne à la région parisienne ainsi que sur les Hauts-de-France, le ciel sera gris. Ça devrait se dégager au cours de la journée pour laisser place à de belles éclaircies sur la quasi-totalité du pays. Il y aura quand même un risque d'averse sur les Cévennes et sur les Pyrénées-Orientales. Les températures ce matin, 5 degrés à Belfort, 7 à Rouen, 8 à Dunkerque, 10 à Lyon, 12 à Guingamp, 13 à Agen, Arles et Bastia. L'après-midi, on attend 9 degrés à Saint-Quentin, 10 à Nancy, 11 à Paris, 16 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 18 degrés à Martigues. Merci beaucoup. Retour des infos dans moins d'une demi-heure dans le Double Expresso RTL 2. Just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Your hand should've gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh. probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you loved to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Bruno Mars, When I Was Your Man sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL 2. Et bonne fête Albert, c'est aujourd'hui. Tiens, 6h05, c'était mon grand-père. C'est pour ça que je suis un petit peu comme ça, si vous me permettez. C'est normal. Mignon, ce prénom, Albert, ça revient. C'est joli. Ça revient d'ailleurs. Bonjour Justine. Bonjour Greg. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. L'hésitation. Alors attends. Grosse question. Bah non, mais jeudi, on est sur une petite fin de semaine. Non, ça va bien. C'est le 15 novembre aujourd'hui. Bonjour à toute l'équipe, évidemment, en pleine forme. Bonjour Jonathan O'Donnell. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va très bien aussi. Et toi, Greg, est-ce que tu as la forme? Bah bien, ça va. Regarde, là, je regarde les visages. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour Max. Bonjour. Bonjour Anaël, Clara, Jules, tout le monde est là. Bonjour. Bonjour. Ça va, toi. Moi, de toute façon, quand vous allez bien, je vais bien. En fait, tu vois, je te dis, c'est ça. T'as fait quoi hier soir? Je me suis endormi. Ah, en fait, ce qui se passe, c'est que je me mets dans le lit, tu sais, pour me reposer, parce que c'est tout de suite, on se repose mieux. Je lance Burger Quiz, et après, ça a sonné. Ah ouais, ouais. Il devait y avoir un espace que j'ai pas dû gérer, en fait. C'est bien, tu t'es reposé. Je pense que madame a dû éteindre pour la télécommande et fermer le son. Voilà, toi aussi, tu t'es reposé? Moi, j'ai regardé la série 10%, je suis trop fan, et je me suis endormi après. Bon, ouais. Bah écoute, voilà. Voilà. Bah c'est bien. On va écouter du son pop rock pour se remettre. Allez. On va se faire un petit Suzanne Vega des familles. Voici Luca sur RTL 2. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.

novembre. Bonjour à tous. Hello Justine. Bonjour Greg, salut tout le monde. Salut l'équipe. Un mot quand même, parce qu'on vous a parlé pas mal d'écologie ces deux derniers jours avec WAG, l'application dont tu nous as parlé, Justine. Et on continue d'ailleurs. Bien sûr. Sachez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale du recyclage. Ah ben voilà. C'est instauré depuis 1994 aux États-Unis et l'objectif, c'est de promouvoir la consommation de produits fabriqués à partir de matériaux recyclés. Donc c'est important, continuez à recycler, c'est aujourd'hui en tout cas, en ce 15 novembre. Je vous parle de pizza, j'ai pas oublié, c'est promis. Après The Verve, The Bittersweet Symphony sur RTL 2. Richard Ashcroft et le groupe The Verve, Bittersweet Symphony sur RTL 2. L'info expresso RTL 2. Alors, on parle pizza, déjà à 6h20. Dès 6h20, on attaque sur la pizza. Franchement, en ce jeudi 15 novembre, voici la première info expresso, puisque figurez-vous que André Valarmoff et Andreas Glatz sont désormais nos deux meilleurs amis. Ce sont des physiciens qui se sont attaqués à l'équation parfaite pour trouver la pizza parfaite. D'accord. Alors, en fait, tout repose sur quoi ? Sur la cuisson. Ah bon, Jérémy, oui, qui est un grand mangeur de pizza, écoute bien. Ah, un soir sur deux pizza, hein, Jérémy. Non, tous les soirs. Tous les soirs, voilà, on en est là. Donc, ils ont pris la pizza témoin, la margarita, la classique. D'accord, d'accord. On a la pâte, la sauce tomate, un petit peu de fromage, je roule ma poule. Donc, dans les fours à pizza traditionnels, il faut que ce soit cuit 2 minutes, pas une seconde de plus, à 330 degrés. Et là, vous avez la cuisson parfaite. Après, vous mettez des bons ingrédients et vous avez exactement la bonne cuisson. Sauf qu'évidemment, on n'a pas tous un four à pizza traditionnel à la maison. Non, non. Je te confirme. Ça, personne n'a un four à briques. Non. D'ailleurs, on n'a pas tous de four à la maison. Ouais, oui, bon, c'est autre chose. Et bien là, le temps de cuisson idéal pour un four électrique, comme on a tous chez nous, ou presque, eh bien, c'est 170 secondes pour 230 degrés. Donc, c'est à peu près thermostat 8, j'imagine, ouais, ça doit être dans ces zones-là. Donc, 230 degrés, 170 secondes, et bim, c'est terminé, parfait. Elle est cuite. D'accord ? Vous avez noté ? 170 secondes de cuisson, 35 secondes de dégustation. Voilà, ouais, c'est comme ça. Oui, c'est vrai que toi, tu manges bien. Non, Jérém, pas une pizza décongelée, une pizza à faire. Hein. Ah bah, ouais. Heureusement. Bah, parce que sinon, 170 secondes, je te jure, t'es pas là demain matin. Ah oui, hein. Je confirme. Bah, non, là, c'est la team salmonelle. Voici nos copains de Shake Shake Go, Come Back To Me, dans le double expresso RTL. T'as l'air circonspect. Ah oui, ça m'a l'air peu. Ah, c'est aussi. Très peu, une cuisson. Bah hein, ouais, quand même. Sur une pâte fraîche, c'est génial. Go, Come Back To Me, vous n'oubliez pas, ils étaient venus nous voir il y a quoi, un petit mois maintenant, dans le double expresso, ouais. Et vous retrouvez toutes les prestations de tous nos invités du vendredi en replay, audio et vidéo sur rtl2.fr. Et demain, Justine, demain. Et demain, Vanessa Paradis sera avec nous. Voici l'horoscope de ce jeudi 15 novembre. On y va avec les médailles de bronze et les taureaux. N'oubliez pas de vous remettre en question de temps en temps. Nous avons ensuite les sagittaires. Vous vous êtes levé du pied gauche ce matin. Les Verseaux. Et vous n'avez pas de chance aujourd'hui, les Verseaux. Vivement la fin de la semaine. Allez, passons aux médailles d'argent avec les béliers. Une bonne nouvelle vous attend. Elle va vous redonner plein d'énergie. Les gémeaux. Vous gardez le sourire en toutes circonstances. Ça, c'est très agréable. Les lions. Votre sens de l'observation sera le point fort de votre journée. Toujours médaille d'argent, les vierges. Tous vos efforts seront très vite récompensés. Les balances. Aucune remarque ne pourra gâcher votre journée. Les scorpions. Votre charme fait des ravages en ce moment. Profitez-en pour voir du monde. Les capricornes. Vous êtes décidé à faire vos preuves au travail. Nous avons les poissons. Vous êtes la voix de la raison. Tout le monde écoute vos conseils. Et alors, attention, roulement de tambour. Qui est médaille d'or du jour? Les cancers. Amour, travail, santé, tous les voyants sont au vert. Cette journée sera exceptionnelle. Tout à l'heure, il sera avec nous. Je parle bien sûr de l'inimitable, de l'inénarrable. Bruce Springsteen, il viendra chanter une chanson. Ce sera à vous de découvrir le titre qu'il chante en se brossant les dents. Ça sera à 16h45, le tube de la brosse à dents RTL 2. Comment on joue? Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Il faut appeler le 3228. Clara vous répond au standard et a gagné un iPad cette semaine. À l'occasion de la sortie en salle du film là, Les Animaux Fantastiques, Les Crimes de Grindelwald. Qui sont sortis hier. Oui. Ah, ces fameux animaux. Du son pop rock à suivre, Georges Ezra. Chante-nous moins, du coup. Et puis il y aura aussi le winner du jour. Ce sera avec Justine. On parle de quoi? Dans le winner du jour, on va vous parler d'un mystérieux super-héros. Il sévit à Grenoble et j'ai décidé de l'appeler Snapman. RTL de présente Muse. Leur nouvel album Simulation Theory. Hey, this is Muse on RTL 2, a pop rock radio. Et vous invite à leur concert à Londres. Dès que vous entendez deux titres de Muse à la suite, soyez les premiers à appeler votre radio. Transport, hôtel en plein cœur de Londres et billets pour le concert de Muse au Royal Albert Hall. RTL 2 s'occupe de tout. Muse en concert à Londres. Forcément avec RTL 2, la radio pop rock. 50 centimes la minute plus prix de l'appel. Leclerc. Ça, c'est l'océan. Et ça, c'est l'océan qui se désole de la surpêche. Voilà pourquoi Marc Repère s'engage depuis toujours pour l'environnement. Aujourd'hui, 100% de notre colin d'Alaska est issu de la pêche durable et vendu à prix Leclerc. Retrouvez nos engagements sur marcrepère.com. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Pour votre santé, évitez de grignoter. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin adorerait se doter de la fibre pour Noël, pour que sa douce, ses deux ados et lui puissent surfer en même temps sans se disputer. Mais Damien se dit qu'avant qu'on ne la lui installe, il est évident qu'il se retrouvera sans aucun débit. Eh bien Damien, détrompez-vous. Chez Bouygues Télécom, on vous garantit Internet dès l'abonnement et même en cas de coupure grâce à une clé 4G. Profitez-en dès maintenant avec nos offres fibre à prix Noël. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à condition hors offre spéciale, éligibilité et couverture 4G sur bouyguestelecom.fr. Dans un magasin U, Léa, la responsable du rayon vin, s'adresse à Antoine qui fait ses courses. Bonjour, alors quel bon vin vous amène? Lui. Justement, le Beaujolais Nouveau est arrivé. Elle, reprenant son sérieux. Oui, le Beaujolais Nouveau AOP Rouge 2018 U est arrivé. Et il est à 3,45€ seulement la bouteille de 75 centilitres. 3,45€ seulement, j'y crois pas. Oui, je confirme, 3,45€. Dans les magasins U participants, dans la limite des stocks disponibles. Voir liste sur magasinu.com. U. Commerçons autrement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119€ seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable, réservée aux particuliers, valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Il est 6h30 très précisément. Voici vos infos dans le double expresso RTL 2 avec Raphaël Thomas. Bonjour Raphaël. Bonjour Grégory, bonjour à tous. Marseille sous tension. 8000 personnes ont défilé hier sous les fenêtres du maire Jean-Claude Gaudin pour dénoncer l'insalubrité de l'habitat de la ville. Elle réclame sa démission 10 jours après l'effondrement de 3 immeubles et la mort de 8 personnes. À l'issue du rassemblement, des incidents ont opposé manifestants et forces de l'ordre. 5 personnes ont été interpellées. De son côté, la municipalité se défend. Dans un communiqué, elle rappelle que depuis 10 jours, elle a évacué 700 personnes qui vivaient dans des bâtiments vétustes. Emmanuel Macron s'adresse aux Gilets jaunes à deux jours de la journée de mobilisation contre la hausse des taxes sur le carburant. Le chef de l'État a assuré hier soir entendre la colère des automobilistes. Pour autant, le président de la République les met en garde. Attention, dit-il, à la récupération politique de ce mouvement. L'appel au blocage de samedi, lui, est maintenu. Georges Tron fixé sur son sort. Le verdict est attendu aujourd'hui aux assises de Seine-Saint-Denis. L'ancien secrétaire d'État est jugé pour le viol en réunion de deux anciennes employées municipales. Hier, l'avocat général a requis 6 ans de prison ferme à son encontre et 4 ans à l'encontre de son ex-adjointe Brigitte Gruel qui comparait à ses côtés. Il demande aussi 5 ans d'inéligibilité. Un bilan toujours plus lourd en Californie. Les incendies qui ravagent l'État ont fait au moins 59 morts. 130 personnes sont par ailleurs toujours portées disparues. La plupart sont originaires de la ville de Paradise, totalement détruite par les flammes. Ça passe pour Theresa May. La Première ministre britannique a fini par obtenir hier soir l'aval de son gouvernement concernant le projet d'accord sur le Brexit conclu la veille avec Bruxelles. C'est désormais au tour du Parlement de se prononcer. De l'espoir pour les espèces menacées. La population des baleines et des gorilles est en hausse. C'est le résultat d'une étude publiée hier. Depuis les années 70, le nombre de rorquals a presque doublé. Le nombre de gorilles des montagnes, lui, dépasse désormais les 1000 individus, du jamais vu. Ah, c'est des chiffres, cool. Ouais, c'est bien. Des chiffres qui s'expliquent grâce à la lutte contre la chasse et le braconnage. Enfin, premier qualifié pour les demi-finales du Masters de Londres, Novak Djokovic qui l'a emporté face à Alexander Zverev. La météo, au lever du jour, il y aura encore beaucoup de bandes brouillard, essentiellement dans le sud-ouest, le long de la vallée de la Garonne. De la Bretagne à la région parisienne, ainsi que sur les Hauts-de-France, le ciel sera gris. Ça va se dégager au cours de la journée pour laisser place à de belles éclaircies sur la quasi-totalité du pays. Seule exception, encore un risque d'averse sur les Cévennes et sur les Pyrénées-Orientales. Les températures ce matin, elles sont toujours plutôt douces pour la saison. 5 degrés à Strasbourg, 6 à Blois, 7 à Valenciennes et à Paruy, 12 à Biscarrosse et à Fréjus, 13 à Ajaccio. Cet après-midi, on attend 10 degrés à Beauvais, 13 à Troyes et Dijon, 15 à Saint-Malo, 16 à Bourges et 18 à Orange. 6h32. Madame Salmon, bonjour. Hola Greg, salut. J'essayais de faire ça bien. Voici Jean Gesra sur RTL2. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock. Bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. Feeling like a song. I'll be riding shotgun underneath the hot sun. Feeling like a song. Georges Ezra, Shotgun dans le double expresso RTL 2, 6h35. Le double expresso RTL 2, le winner du jour. Un nouveau super-héros, deux jours après la disparition de Stanley. Justine nous parle de, comment tu l'as appelé, Snackman ? Snackman, notre winner, c'est un homme d'une cinquantaine d'années. Alors, on n'a pas son nom, on va l'appeler Bob. Bob, lundi midi, il était dans un snack, donc dans une sandwicherie du centre-ville de Grenoble. Ouais. Et il a racheté l'intégralité du stock de sandwichs et de pâtisseries du snack. Pourquoi ? Pas parce qu'il avait très faim. Pour l'offrir aux clients. Oh, sympa. L'offrir ? Oui, pour l'offrir aux clients, il a dépensé 238 euros, soit le prix quand même donc de l'intégralité du stock de nourriture qui restait ce jour-là. Et il l'a offert gratuitement aux autres clients. Et il a ensuite repris sa route. Il n'a rien dit, il n'a pas laissé de mots. Il a laissé bouche bée les clients qui patientaient derrière lui, parce que du coup, il y a une vingtaine de personnes qui ont profité de ce geste de ce mystérieux donateur. Oh, c'est bien. Donc c'est juste gentil. Voilà. Greg, il a fait ça une fois dans un fast-food. Ouais. Pareil, il a tout acheté, et sauf que derrière, c'est lui qui a tout mangé. J'ai tout mangé. Mais je l'ai fait. Hein. J'ai 238 euros de tender. Voilà, j'ai tout mangé. Il restait plus rien. C'est mignon comme winner. Ouais, c'est très bien. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL. Tu vois, quand je t'écoute le matin, je reprends goût à la vie. C'est beau. Voici Counting Crows, Mr. Jones dans le Double Expresso RTL. De bonjour et puis bon réveil.

6h46, t'es prêt pour ton top 3 dans 10 minutes, Jonathan? Je suis prêt, je suis au taquet, je n'attends que ça. Bon, ce sera à 6h55 après le tube de la brosse à dents RTL 2 et Jane, bonjour. To look down at you. Things gonna be Salut Damien. Ça va bien? Ça va impeccable. Bon, vous êtes Rouennais, vous voyez la Seine chaque matin lorsque vous vous réveillez. Et ce matin, vous avez décidé de venir saluer l'équipe du Double Expresso RTL2. Bravo Damien, merci beaucoup. C'est ça, tout à fait, merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Racontez-nous un peu. Oh bah, j'aime le sport, j'aime bouger, j'aime voir mes amis. Qu'est-ce que vous faites comme sport? Je joue au foot. Ah! C'est quoi votre poste? Moi, je suis défenseur. Ah, voilà, il est solide. Je vais tout le monde. Et alors, à Rouen, vous supportez quelle équipe? Ah, et bah ici, on a Quevilly, puis on a Rouen. Sinon, en règle générale, le PSG. Et bah voilà. Quevilly qui avait fait une belle aventure en Coupe de France, c'est ah ça? Ah, je vais t'emmener avec moi à l'équipe, ça, toi. Voilà, je peux te dire qu'on est sur l'expertise. Bonjour, Bruce Springsteen. Oh yeah, bonjour les pop-rockers. Comment ça va, mon Damso? Enfin, mon Damien? Ah bah. Ça va, on est content. Je suis prêt à jouer. Content de rencontrer Tonton Brosse. Ah bah, super content. Viens faire un bisou à Tonton Brosse. Allez, viens faire un petit bisou. Quel infâme ringard. À vous de chanter, mon cher Brosse, et que Damien gagne un iPad top. C'est pas évident, hein. C'est connu. Allez, Damien. Oh, le titre, je sais pas, j'ai peut-être tes paroles. In somebody. Ah. Ouais, mais là, il va ah falloir. Ouais, il nous faut soit l'interprète, soit le titre. Bon. C'était les Blues Brothers. Everybody needs somebody to love. Mais vous l'aviez, oui, ouais. L'air, mais. Need somebody, ouais, voilà. Mais il manquait le début et la fin quand même. Il y a un moment, ça fait un peu trop. Vous ne repartez pas les mains vides, Damien, évidemment. On vous offre le mug du Double Expresso RTL2. On vous offre également une belle montre Atlas for Men et puis le DVD du film L'école est finie avec Bérangère Krief, c'est très drôle. Voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. On vous embrasse, Damien. On vous remercie de vous réveiller avec le Double Expresso. On vous souhaite une bonne journée et. Et qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2, Damien? Un Double Expresso. We're so glad to see so many of you lovely people here tonight, and we would

Bonjour Greg, bonjour à tous. Bonjour Justine, retour des infos dans moins d'une demi-heure, ça va? Oui, pleine forme. Du son pop rock Guns N' Roses et Shawn Mendes, voici In My Blood dans le double expresso RTL 2, il est 7h03. Help me, it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I'm looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. Trying to find a way to chill. Can't breathe, oh. Is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I it's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Mendes, In My Blood dans le double expresso RTL de 7h06. Grégory Hacher et Justine Salmon. Le double expresso RTL 2 de 6h à 9h. Shawn Mendes qui sera d'ailleurs peut-être mon gendre, parce que ma fille m'a dit qu'elle voulait l'épouser. Oui, il y a beaucoup de gens que je vais épouser, hein, mais ça n'arrivera pas. Alors, j'ai pas encore mis mon veto, hein. On va en discuter. Bon, bref, c'est un peu compliqué toutes ces histoires-là. Bonjour à tous, 7h07. Bonjour l'équipe. Bonjour. Ça va, t'es en forme, Justine? Oui, ça va bien. Et toi? Ouais, bien, j'ai trouvé un chiffre assez intéressant qui nous concerne toutes et tous, surtout à cette heure-là. 28% des Françaises et des Français chantent sous la douche. Oui, ça me semble même pas beaucoup. Tu chantes sous la douche? Ah bah non, mais j'allume même pas la lumière, moi, sinon je me fais engueuler. Donc, tu vois, parce qu'il y a 4h du matin, si je commence à... T'imagines? Déjà, si je mets la lumière, je prends un coup de balai, mais alors si en plus je commence à chanter, c'est pas le balai, c'est je prends le lit sur la tête. 28%, bah bien sûr que je chante, vous me connaissez. Moi, je chante en plus des trucs un peu ringards, genre ça. Non, bah Britney, c'est pas ringard. Non, mais ringard, parce que je chante très mal. Oh, yeah. Moi, j'adore Britney Spears. Ah ouais. Et puis ah, oui. Très aigu. Effectivement. Bah, pour mes voisins, ça doit être sympa, en tout cas. Ah, 4 oui, oui, ça, c'est sûr que c'est plutôt ça. Et d'autres chantent, non? Ah oui, oui. Ouais, forcément. Ouais, mais toi, tu chantes des chansons paillardes, c'est sûr, Max. Non, c'est pas sûr. Forcément. Je chante tout ce qui me passe par la tête. Ça m'angoisse, tout ce qui te passe par la tête. C'est le genre de truc qui m'angoisse. Tu chantes Jonathan, toi? Non, je chante pas, j'écris des blagues. Sous la avec douche. Le stylo. Avec l'encre, ça coule, c'est dégueulasse. Mais non, je pense à des blagues et après, je les écris dès que je sors de ma douche. Bon, bah, on va vous poster ça sur la page Facebook. Vous allez nous dire ce que vous chantez sous la douche, si jamais vous chantez. Voici Guns N' Roses sur RTL 2. Something in your eyes. so hard now, and please don't take it so bad. C'est bon, ça. Guns N' Roses, Don't Cry, dans le double expresso RTL2 sur l'album News Your Illusion, le premier volume en 91. 7h12, on va jouer avec toi dans l'info expresso. Et tout le monde connaît le jeu Qui est-ce ? Ah oui, oui. Ah oui. Et bien une nouvelle version arrive, vous allez voir, c'est super ludique et ça met les femmes à l'honneur. Et ça, j'aime. Ah, j'aime bien, moi, quand il en reste deux. Il est roux ? Oui, c'est Herman. Ah oui, c'est Herman. Le fameux. Police. Roxane dans le double expresso RTL2 et puis la banque à 7h45 au 3228. Appelez-nous pour gagner jusqu'à 10 000 euros. Écoutez RTL2, we are called Muse. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory, écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Et ouais, c'est bientôt Noël. Et tu sais quoi? Le forfait 40 gigas chez Red by SFR, c'est 10 euros par mois. T'aimes bien Noël, toi? Ben ouais. Ah, t'aimes bien Noël? Il y a deux fois plus de monde dans les magasins. Tes repas de famille sont deux fois plus longs et après, tu te sens deux fois plus lourd. Ah! Mais il y a tout qui double ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois, sans prix qui double au bout d'un an et sans engagement. Ça, c'est Noël. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Le forfait 40 gigas, c'est 10 euros par mois. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 22 novembre 2018 pour tous nos clients. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron, t'es chez Lidl? Ah oui, et demain et après-demain, ils font la barquette d'un kilo de poire à 1,49€. Et la deuxième est à moins 50%. 1,49€ la barquette d'un kilo, et la deuxième à moitié prix. Tu te payes ma poire? Ah non, c'est le vrai prix, ça fait 1,12€ la barquette si on en prend deux. C'est un pépin pour nous ça. Ah bah comment? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 1,49€ la barquette d'un kilo vendue seule, catégorie 1, calibre 50-60, variété conférence, origine Belgique. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre super marché. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute. J'ai trop hâte. Ah ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi. Ça va, on a le temps.

C'est cette journée police, Roxane. L'info expresso RTL 2. Oh, j'ai fait Roxane, là j'étais chaud patate en américain. Bon, tu vas nous parler de qui est-ce pour cette info expresso? Oui, Justine. J'ai trouvé ça sur Golem 13. Alors je vous parle ce matin de femmes exceptionnelles avec le jeu Who's She. C'est basé sur le célèbre jeu, je vous le disais, de qui est-ce. Voilà, traduction, Who is she, c'est qui est-elle. Donc c'est une version féminine en fait qui nous présente le portrait de femmes qui ont changé le monde. Oh, donc par exemple Marie Curie, par exemple Joséphine Baker, par exemple Wangari Maathai ou Frida Kahlo. Qu'il okay. faut deviner ces femmes exceptionnelles. Là on est vraiment sur le haut du panier, vraiment les femmes qui ont marqué le monde. Pour vous le devez coup. Deviner leur identité en posant des questions sur leur acte et non sur leur apparence. Donc j'aime bien l'idée. Donc est-ce que c'est une scientifique? Est-ce qu'elle a gagné un prix Nobel? A-t-elle eu un rôle majeur dans une grande guerre? En plus, culture générale aussi. Non mais c'est bien, mais par contre le principe du qui est-ce, c'est quand même le physique, normalement le jeu. Bah oui, mais ça change, c'est une autre version. D'accord, ok. Bah okay, oui, okay, il y a 28 cartes biographiques en plus qui sont peintes à l'aquarelle, c'est plutôt joli. Ah oui, quand même. Elles sont remplies d'anecdotes assez amusantes et intéressantes sur l'histoire de ces femmes au parcours exceptionnel, il faut le dire. Donc c'est lancé sur Kickstarter, c'est un site de financement participatif. Who's She devrait être livré en février 2019 aux personnes qui auront contribué à hauteur de 65 €. Ça peut être un beau cadeau pour aider le Père Noël. Et puis surtout, c'est un truc unique. C'est pour, vous avez pas le trouvé dans tous les magasins de jouets ou dans toutes les commandes. Je trouve ça sympa, moi. J'ai hâte qu'il y ait la version masculine. Je vais leur donner une belle photo de moi et des infos comme ça. Voilà. Nickel. Il joue au théâtre Beau-Saint-Martin. Jonathan O'Donnell, impeccable. C'est gagné. Merci Justine. On vous poste ça sur la page Facebook du Double Expresso RTL 2. Rain et Soul Sister dans le double expresso RTL2. Il est 7h25, bonjour, on est jeudi matin. Et c'est l'heure de l'horoscope avec les médailles de bronze pour commencer les taureaux. N'oubliez pas de vous remettre en question de temps en temps. Les sagittaires. Vous vous êtes levé du pied gauche ce matin. Et les verseaux. Vous n'avez pas de chance aujourd'hui, vivement la fin de semaine. Médaille d'argent maintenant pour les béliers. Alors une bonne nouvelle vous attend et elle va vous redonner le plein d'énergie. Gémeaux. Vous gardez le sourire en toutes circonstances, c'est quand même très agréable. Les lions. Votre sens de l'observation sera le point fort de votre journée. Vierge. Tous vos efforts seront très vite récompensés. Les balances. Aucune remarque ne pourra gâcher votre journée. Scorpion. Votre charme fait des ravages en ce moment, profitez-en pour voir du monde. On passe au Capricorne. Vous êtes décidé à faire vos preuves au travail. Les poissons. Vous êtes la voix de la raison. Tout le monde écoute vos conseils. Et puis médaille d'or, nos champions du jour, les cancers. Ah, écoutez, là c'est le grand chelem. Amour, travail, santé, tous les voyants sont au vert. Cette journée sera tout simplement exceptionnelle. Calogero 1987. 1987. Ah, on l'adore celle-là. Il arrive. Il y aura également vos infos, la chanson du jour. Et puis tiens, on va se faire plaisir. On va jouer au 32-28 avec la banque RTL2 à 7h45. On peut gagner jusqu'à combien? 10 000 euros. Vous faites ça bien, mieux que n'importe qui. Bravo. RTL2 présente le 13 Tour d'Indochine, la tournée événement. Vivez le concert d'Indochine, le plus grand groupe de rock français, en direct de l'Accor Hotel Arena. Indochine en concert. Demain à 21h. En direct sur TMC et RTL2. Oh, regarde la girafe. Et le gynocéros. Un gypopotame. Et là, une gigogne qui fait son lit. Aujourd'hui, grand J pour Vully chez Jouet Club. 20% de remise immédiate sur les gammes Chlorophylle et Sophie la girafe. Une exclusivité Jouet Club. Hors produits Apicouf, JBM, Jura Toys et Trousselier. Conditions en magasin. Pendant les journées Audi All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Jusqu'au 19 novembre, l'Audi A3 Sportback est à partir de 290 euros par mois, avec extension de garantie et entretien inclus. Rendez-vous chez votre partenaire Audi. Offre en location longue durée sur 36 mois et 30 000 km avec apport de 2250 euros. Réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur Audi.fr. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. Cuir Center. Vous préférez un canapé irrésistible, un canapé à prix irrésistible ou les deux? Pendant les 15 jours irrésistibles, profitez de la qualité Cuir Center à des prix exceptionnels. Par exemple, ce canapé 3 places en cuir à 1290 euros. 1290 euros, irrésistible. Cuir Center. Modèle Lagos, prix hors livraison jusqu'au 19 novembre. Détails sur cuircenter.com. Bohemian Rhapsody. Déjà plus d'un million et demi de spectateurs enthousiastes. Génialissime, excellent. Véritablement une claque et je le conseille à tout le monde. Plein d'émotions. Très émouvant, on a versé une larme. Bohemian Rhapsody. C'est sublime. C'était top, un chef-d'œuvre. Vraiment extraordinaire. Meilleur film de l'année pour moi. Ouais, magnifique. Actuellement au cinéma. Avec RTL2. Le Noël inoubliable de Bouygues Télécom. Damien Danguin est décidé. Décidé à s'offrir du très haut débit. Mais à deux doigts de Noël, il ne faudrait pas que cela dévore son budget, car il est aussi bien décidé à distribuer multitude de cadeaux à sa famille. Eh bien Damien, bonne nouvelle. Le Père Noël vous a entendu. En ce moment, chez Bouygues Télécom, profitez d'un Noël inoubliable avec la fibre à seulement 17,99€ par mois pendant un an, puis 32,99€. Appelez gratuitement le 3106. Engagement 1 an, offre soumise à conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Salut, moi c'est Geoffroy, Geoffroy de Canard. Je suis très frileux, surtout du porte-monnaie. Alors quand vient l'hiver et que je sais qu'il faut que j'entretienne ma voiture, ça me glace le sang. Heureusement, chez Citroën, grâce au forfait avantage, la révision de mon véhicule de plus de 3 ans est à partir de 119 euros seulement. Sinon, en plus, ils font aussi un bilan hiver gratuit. Bref, deux offres comme celle-là, fouet de canard, ça réchauffe le cœur. Merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers valable jusqu'au 28 février dans le réseau Citroën participant. Détails sur citroën.fr. Monoprix. Tu sais que t'es pressé quand tu regardes un épisode sur deux de ta série pour arriver plus vite à la fin. Et tu sais que t'es vraiment pressé quand tu fais ton footing en même temps que tes courses parce qu'avec Monoprix, tu ne t'arrêtes même pas à la caisse. Grâce à l'appli Monoprix et moi, scannez vos courses avec le service coupe-fil Monoprix et payez directement dans l'appli. Et pour la première utilisation, 5 euros sont crédités sur votre carte. Monoprix, jusqu'au 31 décembre, voire conditions de la carte et de l'offre sur monoprix.fr.

fête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. Tu verras bien qu'un jour une chanson dans la tête, tu l'auras à ton tour, ton 1987. C'est tout ce que je te souhaite. Liberté chérie, Calogero, 1987. J'avais 11 piges, t'avais un an. Ouais. Ah ouais, c'est-à-dire que moi j'avais déjà vu Retour vers le futur et toi t'étais pas encore né. Bah si, j'avais un an. Ouais, on voit, ça mine le moral. RTL2, la chanson du jour. J'étais un bon gros bébé. Bon, bah du coup, on reste dans le thème, on va en 82. Allez, comme ça, on est 5 ans avant Calogero, pour une reprise, une cover, si vous voulez, de Paul Young, le fameux chanteur star des années 80. Paul Young, ça vous dit quelque chose quand même? Ah, oui. Non, mais vous pourriez ne pas connaître, je peux concevoir, sur la chanson Love of the Common People. Et alors, pour tout vous dire, bon, je ne pose pas la question à Jonathan. Mais si, j'ai déjà entendu son nom. Tu sais, il a de sa famille qui est joueur de foot en plus, j'imagine. Il a la coupe en brosse, très très star à l'époque, cette coupe de cheveux. Bon, c'est une chanson surtout écrite et chantée par John Hurley. C'est donc pas une composition de Paul Young. Et moi, toute ma vie, j'ai cru jusqu'à présent que c'était vraiment une chanson originale. Pas du tout, c'était une reprise. Alors, ce qui était amusant d'ailleurs, c'est qu'à sa sortie, lorsqu'il l'a sortie en 82, ça a été un échec. C'est-à-dire que Paul Young n'était pas connu. Il sort cette chanson, ça marche pas. Un an plus tard, en 83, il sort son premier succès, Wherever I Lay My Hat. Là, le titre marche. Et derrière, il ressort celui-là. Et bim, explosion. Numéro 1 partout en Europe, numéro 2 en Angleterre, numéro 5 en France. C'est fou, ça. Ah, c'est assez incroyable. Et Bruce Springsteen, pas notre Bruce à nous, de 6h45. Le boss lui-même va reprendre cette chanson en 2007 sur scène pour un live à Dublin. Ce sera une chanson en bonus track. Alors, on va écouter ma chanson du jour. Très typé 80, mais hyper efficace. C'est Paul Young, Love of the Common People, dans le double expresso RTL 2. Il est 7h38. Living on free food tickets, ordering the milk from a hole in the roof where the rain came through. What can you do? Tears from your little sister, crying because she doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have a spare. People fall through the hole in your pocket and you lose it in the snow on the ground. Gotta walk in the town to find a job. Try to keep your hands warm. When the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. And she can. Closer the knit, the tighter the fit, and the chills stay away. Just take them in stride for family pride. You know that faith is your foundation, with a whole lot of love and a warm conversation. But don't forget to pray, just making it strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. She can. Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart of a family man. Daddy's. Young. Ah, j'ai chanté fort. Hein. Oh, je vous cache pas que j'ai chanté fort. Love of the Common People. Trop fort. Malheureusement. Oui, vous m'avez jugé. Non, oh, on ne juge pas. Vous m'avez jugé. On ne juge pas, on regarde. Voilà, auditrice, auditeur, heureusement que vous êtes là parce que mon équipe me juge, vous voyez, quand je chante fort. Et juste, d'ailleurs, Paul Young, je trouve que vous seriez retourné si j'avais fait The Voice. Ouais, vous auriez fui, en fait. Voilà. Liquido, narcotique. C'est dur. Ouais, mais je suis plein de joie, plein réaliste, de joie. Réaliste. Ouais, réaliste. Là, tu vas danser maintenant. Oh et là puis, là. Il y aura la le banque RTL2. Le spectacle. Je suis pas une otarie. Lorsque vous écoutez Gnarls Barclay, vous êtes sur RTL2. Julia Michaels, c'est le son pop rock RTL2. Radiohead, c'est forcément RTL2. RTL2, the pop rock radio. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, c'est le jeudi de Joséphine qui change. Avec la bouteille de Beaujolais Village Nouveau AOP à seulement 3,85€. 3,85€, Joséphine. Pour débattre sur le fait que cette année, il est plus robuste, plus fruité, plus arôme de cerise que de framboise. Alors qu'en fait, il est surtout nouveau, non ? Vos magasins Auchan et Auchan Drive proposent la bouteille de 75 centilitres de Beaujolais Village Nouveau AOP Pierre Chanot 2018 à 3,85€. Et votre jeudi change. Auchan. Offre valable jusqu'à samedi. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Et voilà, vous nous avez élu meilleure chaîne de magasins optiques de l'année. Alors chez Atoll, on aimerait dire merci. Au petit William qui a cassé ses lunettes 7 fois et toujours avec le sourire. À Camélia, la plus matinale de nos clientes. À Paul, le plus tardif. Et à Alice, qui a besoin de l'approbation de tous nos conseillers avant de choisir. Merci à tous. Si nous le pouvions, Atoll vous élirait meilleur client de l'année. Et pour fêter ça, Atoll vous offre pour Noël un cadeau de grande marque pour tout achat d'une paire de lunettes. Atoll, mon opticien. Voir conditions en magasin. Dispositif médical CE. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son grip control, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts et repartez immédiatement au volant de votre SUV Peugeot 2008. LLD 37 mois 30 000 km jusqu'au 31 décembre sous réserve d'acceptation crédit par détail sur Peugeot.fr. Le son pop rock RTL2 à tout moment avec vous, avec l'appli RTL2. On aime le dernier Muse, Something Human sur RTL2. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. something human, human. C'est le double expresso. On a deux papas dans l'équipe, Jérém, Greg. Est-ce que vous parliez bébé à vos enfants quand, avec Jérémy, quand je parlais ils pas étaient bébé, petits. Non. Genre, mais il faut pas en fait, je crois. Non, parce que parler aux bébés comme à des adultes, en fait, stimule le développement du cerveau. Voilà. Donc on arrête de les infantiliser. D'accord. C'est vrai. On va écouter du son pas propre, ma Juju. Ah là là. And the month it all began, will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Narcotique sur RTL2, il est très précisément 8h-10. C'est l'heure de la banque RTL2. Hello, hello. Bonjour Gabriel et Justine. Salut Elodie. Il se fait rire tout seul avec cette blague. Mais je sais que c'est complètement ringard, je l'assume complètement, je cherche même pas à faire l'humour, c'est juste que j'adore voir la tête dépitée de mon équipe quand je fais ça. Je vous assure Elodie, c'est génial. Vous avez les vidéos sur RTL2.fr. Vous êtes en forme Elodie? Oui. Elodie, vous nous appelez de Châteauneuf-sur-Cher, c'est vers Bourges, c'est ça? C'est bien ça. Bon, je vois que vous êtes banquière, donc ça c'est pour la semaine, mais le week-end, vous êtes une cuisinière. Oui, j'adore cuisiner. Et c'est quoi votre truc? Racontez-nous. C'est les gâteaux au chocolat, tout ce qui est au chocolat. Oui. Bah oui, la base. Je vais vous envoyer Jonathan O'Donnell, vous allez voir. Ah oui, c'est le testeur de gâteaux au chocolat de l'équipe. On va peut-être vous envoyer au ski, on va peut-être vous offrir des séjours Thalazur pour deux personnes, on va peut-être vous offrir jusqu'à 10 000 euros, du cash, des smartphones. Des consoles aussi. Voilà, ou mon pyjama, ou les aiguilles à tricoter de Justine. Bref, plein de choses, on y va, top chrono, une minute, gare au coffre vide. C'est parti, coffre 1. Un rouleau de scotch. Impeccable. Je vais prendre le suivant, je vais regarder pour le suivant. Ok, coffre 2. 500 euros. Waouh, waouh, waouh. Du cash. Et c'est pas à dépenser quelque part ou je ne sais quoi, c'est direct sur le compte en banque. Hein. Je crois que je vais m'arrêter là. 500 euros, c'est vraiment une belle somme. Demain, c'est la dernière part de monsieur, donc ça permettrait de lui offrir un restaurant. C'est un très bon restaurant. Elodie, le temps file. Là, on raconte sa vie, mais le temps est en train de filer. 25 secondes. On prend, c'est gagné. Ouais. T'imagines, Elodie, elle parle, fin du chrono. Ah oui, pardon, je voulais le prendre. Bravo. Vous êtes une trop bonne amoureuse, bravo. Ouais, c'est bien. Ouais, on vous perd, Elodie, là, on vous perd, le téléphone est en train de vous perdre. On vous offre ces 500 euros avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre suivant? 1000 euros. Ah, il y avait un petit peu plus. Ah, c'est pas grave. Ah! Allez, on oublie, on oublie. C'est déjà une superbe somme, franchement. C'est magnifique. C'est pour vous, c'est gagné. 32-28 ou alors banque au 74-900 pour rejouer dans moins d'une heure. Et Elodie, qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL 2? Un double expresso. RTL 2, le double expresso. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and sinners crawl, so they dug your grave in the masquerade. We'll come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Demons sur RTL 2. RTL 2, les savoirs inutiles. Pour briller en société. Ce matin dans les savoirs inutiles, on vous parle d'une grande dame, notre dame de fer, la Tour Eiffel. Ah, ok, le cliché. Ouais, moi j'aime bien. Tour Eiffel, accordéon, bingo. J'aime bien. Ah oui. On est des Américains. La Tour Eiffel est en fait, je ne sais pas si vous le savez, comme les êtres humains. Parfois, elle se tasse. Pendant l'hiver, la Tour Eiffel rétrécit de 4 à 8 cm. Ah oui, c'est la dilatation de l'acier. Bah oui, genre c'est logique. Bah oui. Bah tout le monde sait ça. Bah oui. Ah, attendez, je vous explique, j'ai toujours eu 0 en maths et en physique, j'avais retenu ça. Ah bah écoute, moi je ne savais pas, bah je l'ai appris en faisant les savoirs inutiles. Ah. Quelques mois plus tard, après avoir donc revêtu son beau manteau d'hiver avec les beaux jours, lorsque les températures remontent, elle reprend sa taille de 324 mètres. Et en été, lors des fortes chaleurs, c'est le même mécanisme. La dilatation du métal fait bouger le monument avec une inclinaison pouvant aller jusqu'à 18 cm quand même. Ah quand même. C'est énorme. Non Greg. Greg, on sait pas pourquoi il rigole. Tu te calmes. Pourquoi tu rigoles? Non, bah rien, elle a grandi de 18 cm, c'est impeccable. Pour la Tour Eiffel, 7h56 mais... du son pop rock, Jérémy Azoulay. Mais non, mais t'es grave. J'ai rien dit. T'as les idées mal placées. Mais je n'ai rien dit. Oh là là là là, j'étais mais alors loin. Mais je n'ai rien dit.

forsake me. I'm loving angels instead. Robbie Williams, Angels sur RTL 2. Grégory Hacher et Justine Salmon. C'est le double expresso RTL 2. 8h07, bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Bonjour. Bonjour ma Justine. Hello. Ça va? Salut Greg, oui oui, ça va, je suis en pleine forme là. Un petit mot? Bah oui, il y a notre bulletin de notes qui vient de tomber, vous savez, les sondages médiamétrie qu'on a à peu près tous les trois mois. Oui, par trimestre, les sondages radio pour savoir qui est écouté. Tout et juste un mot, merci. Merci voilà. À vous d'être là, merci de nous écouter, de faire progresser l'émission. Voilà, c'est vraiment agréable, on sera très heureux de pouvoir communiquer sur une belle progression cette année en part d'audience. Merci, merci à vous d'être évidemment à l'écoute du double expresso RTL 2. Tiens, vous savez, j'ai envie de vous faire plaisir ce matin. Ah. J'ai envie de vous faire plaisir, je vais vous parler de pizza. Ah bah voilà, voilà, je sais bien, je vous vois avec vos yeux d'enfant. Je vais vous parler de pizza, ce sera mon info expresso tout à l'heure. Je vais vous dire quelle est la formule parfaite pour faire une pizza parfaite. D'accord. Et c'est parfait. Et il sera question de maths. Je rajoute également les Rolling Stones et LSD et vous êtes sur RTL 2. Sam McLeod sur RTL de demain. Vendredi, invité du vendredi, c'est Vanessa Paradis qui sera avec nous en direct à partir de 8h, Justine. Ah, et ça nous met en joie. Et je sais que tu l'adores, du coup, petit blind test. Les gars, on va faire jouer Justine. Attention, quel est le titre de cette chanson, évidemment, de Vanessa Paradis? Tout de suite. Marilyn and John. Ouais, un point pour Justine qui joue toute seule, hein, je le rappelle. Deuxième extrait. Divine Idyll. Ouais. Bien. Même si je voulais jouer, j'aurais pas les réponses. Troisième extrait. Ah, bah je l'adore celle-là. Tandem. Tandem, chanson écrite par Serge Gainsbourg. Et puis celle-ci, tiens, allez. Il y a, écrite par Gaëtan Roussel. Et puis son nouveau single. Ah, elle est belle. C'est mot simple. Vanessa Paradis sera avec nous demain en direct sur RTL2 dans le Double Expresso à partir de 8h. On parle pizza et on écoute les Stones, ça vous va? J'étais très premier degré sur ce blind test. Ah, j'étais hyper concentré. J'ai l'impression qu'elle veut un chocolat. Un bisou. RTL2 Pop Rock Party. Le son pop rock mixé par Laurane et RLP en live. Écoutez. RTL2 Pop Rock Party. Toute la semaine de 19h à 20h. Et les vendredis et samedis, version longue de 22h à 1h. RTL2 Pop Rock Party. Montez le son. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ils ont tranché. Tranché quoi? Eh ben tranché pour le saumon fumé d'Écosse en fine tranche. C'est les semaines de luxe chez Lidl. Et en ce moment, il est à 9,19€ les 320 grammes. 9,19€ le saumon fumé de luxe. Là, on s'est fait enfumer. Ah bah, on est à contre-courant, oui. À ce prix-là, on pourrait peut-être s'en payer une tranche, non? Avec des caprés du citron, c'est ça, ouais. T'es mal, hein? Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 28,72€ le kilo. Produit transformé en Union Européenne. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Salut, moi c'est Geoffroy de Canard. Je suis très